À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti travail de Corée, le séminaire sur l'œuvre classique du maréchal Kim Jong-un, menant à un brillant achèvement l'œuvre révolutionnaire du Tse, en honorant le grand camarade Kim Jong-il comme secrétaire général éternel de notre parti, a eu lieu à Braunau am Inn, Autriche. Y ont pris part les membres du cercle de la jeunesse d'études du kimilsonisme Kim Jong-ilisme de la Haute-Autriche. Les orateurs ont indiqué que depuis l'intégration du général Kim Jong-il à son comité central, le Parti du Travail de Corée s'est développé en organisateur et inspirateur de toutes les victoires et en partie mère du peuple coréen. Par ailleurs, l'étude sur le rapport d'activité du comité central présenté au 7e congrès du Parti du Travail de Corée par le maréchal Kim Jong-un s'est déroulée au cercle.